wedging up banana. Je bifurque, j'ai trouvé ma route. Ouais, ouais, ouais, ouais, la la la la. Ouais, ouais, ouais, ouais, la la la la. Ouais, ouais. Là j'ai la banane, je vais faire, j'ai trouvé ma route. Pas les couilles de nanana, je vais pas trop, c'est que c'est une poule. Et je coupe sur la quête, et je pose sur la joue. Pas les couilles qu'ils enquêtent, premier objectif, faire des sous. Là j'ai la banane, je vais faire, j'ai trouvé ma route. Pas les couilles de nanana, je vais pas trop, c'est que c'est une poule. Et je coupe sur la quête, et je pose sur la joue. Pas les couilles qu'ils enquêtent, premier objectif, c'est faire des sous. Et dit que c'est pas haut, ouais, ouais. Pas rester chaud bouillant, ouais, ouais, ouais. Je reste en cas, si tu crois chaud bouillant, ouais, ouais. Et j't'annonce le tao, ouais, non y'a rien d'étonnant. Ouais j't'annonce le tao, non y'a rien d'étonnant. Ouais faudrait m'expliquer, c'est quoi le délire. C'est tout pour monter. J'essaye d'avancer en me disant poteau, ouais que ça va aller. Les jaloux te diront qu'ils ont tout vu mon poteau, qu'ils ont tout fait. Ouais j'essaye d'avancer en me disant que poteau, ouais ça va aller. Les jaloux te diront qu'ils ont tout vu mon poteau, qu'ils ont tout fait. La mise est un speak caliente. J'ai visé ton cœur, j'peux pas compter. Oh la salut, j'ai enchanté. Tu m'as dit j'étais beau gosse et j'ai dit janté. Ouais le gamin s'est loué, on va pas le nier, on va pas le nier. On m'a dit peu couler, du coup tu le sais que j'ai pris ma bouée. Ouais faudrait m'expliquer, c'est quoi le délire. J'fais tout pour monter, ils font que me salir. Ouais faudrait m'expliquer, c'est quoi le délire. Moi j'fais tout pour monter, eux ils font que me salir. Mais pourtant tu le sais mon ami que moi je suis toujours le même. J'suis sorti de nulle part et j'avance, j'vais là où le vent m'amène. Mais pourtant tu le sais mon ami que moi je suis toujours le même. Je suis sorti de nulle part, j'avance et j'avance, je vais là où le vent m'amène. Faudrait m'expliquer, c'est quoi le délire. Je faisais tout pour monter, ils faisaient que me salir. Ouais faudrait m'expliquer, c'est quoi le délire. Je faisais tout pour monter, eux ils faisaient que me salir. Bah ouais mon ami, je veux pas ton RMI. J'ai tapé, j'écris, je compose en une heure et demie. L'ennemi qui m'envie, c'est sûrement ton ami. On m'a baisé la vie, là j'ai posé son pari. Étrange un peu comme la mort de Kennedy. J'ai vu marquer l'époque comme l'a fait Zinedine.